la dernière décennie. Les chances sont infimes de te voir par ici. Étendue circulaire, serpente et mourre ses bras sur cette vue imprenable, mais sans elle ce n'est rien. Où se trouve mon pays? Je sais plus qui je suis, allez. Si je n'ai plus la vie, je sais plus qui je suis, allez. Cette folie qui m'entraîne, je lis comme une reine, ici ou d'ailleurs, touchée en plein cœur. Se mélange dans cette seule partie du monde. Je retrouve le sourire, jamais rien ne finit. Allez. Où se trouve mon pays? Je sais plus qui je suis. Allez. Si je n'ai plus la vie, je sais plus qui je suis. Allez. Aveuglante de la nuit transparente, ne dérange plus ces gens qui arrivent par ici. Les jours sans souvenir, dernier regard sur l'avenir, mais personne ne répond, c'est pire reste à venir. Allez. Où se trouve mon pays? Je sais plus qui je suis. Allez. Je sais plus ce que je dis dans ce long train, dans l'espérance. Je sais plus où va.